Basta. Basta. Aspetta. C'è. Ok. Let's. Buckle it up. Buckle it up. Non c'è. Non c'è, basta. Buckle it up. Your arms are just... Through. Word. Right. Bonjour. On va faire un petit tour, tu viens avec nous Stéphane? Est-ce que je suis vraiment obligé de venir? Non, il y aura beaucoup de questions très techniques ou... Non, pas du tout. On peut aller un peu partout, là, au primaire, installation. Tu aurais des casques en rab? Ouais. Je vais la lâcher, madame Ferrari. Le fait qu'il y ait du Mistral ne va pas vous gêner. Si, ça c'est très gênant. Ouais. Il faudra trouver des endroits plutôt abrités, ouais. Si c'est possible. Le problème qu'on a, c'est que le Mistral, il entraîne aussi bien les zones sonores que les particules. Oui. C'est tout un extérieur. Allô. Ben là, je vais vous montrer un peu le tour, enfin, c'est pas du tout d'actualité, mais il y a comme bruit, il y a le bruit de l'installation. Oui. Non, c'est... Après, si vous voulez, c'est pas du tout qu'il y a du travail, mais... Oui, oui. Donc, on a des contrôles sur le personnel, en termes de bruit, Oui. Et après, il y a le... Oui. Enfin, c'est pas du tout d'actualité, il y a le bruit, il y a le bruit, il y a le bruit. Oui. Quand le dumper ben au primaire, donc c'est là où les gros blocs arrivent. Oui. Les gros blocs sont placés. Ils arrivent au primaire. Ils sont placés. Voilà, premier truc à ça. Non, nord-ouest. Il faudrait qu'on soit abri. Bon, on va faire un petit tour, comme voilà, si c'est un tour d'installation, un tour de carrière. Vous m'arrêtez. Des tirs de mine, vous en avez pas fait. Ah ben non. Mais si vous voulez venir à un tir de mine, il faut juste basta. Et voir avec lui. Basta. Je sais pas si on a déjà vu. On est Oui. Buckle it up. Bakulina. Swing.